introduction. Bon, d'abord, remerciant d'être venu, en remerciant les trois intervenants de participer à cette discussion. L'idée étant, comme vient de le dire Clément, de présenter ce courant historiographique, je ne sais pas si une historiographie spécifique, mais en tout cas cet ensemble de travaux autour de l'usage des images et des objets en histoire. Des travaux qui ont maintenant, je pense, acquis une légitimité. On n'est plus à l'époque où on se plaint que les historiens n'utilisent pas assez les images ou pas assez les objets. C'est devenu quelque chose d'assez courant. Juste pour citer deux références qui montrent la légitimité qu'a acquise cette histoire visuelle et matérielle. Un manuel que je trouve parmi tous les manuels et les handbooks qui peuvent exister sur la question. Celui-ci, je trouve assez bien fait, le Mila Jardanova, The Look of the Past, et qui a l'intérêt, pour la thématique de cette journée aussi, d'envisager conjointement Visual and Material Evidence in Historical Practice. Et voilà, plus énormément d'exemples pris dans plein de contextes historiques différents, donc c'est un livre que je trouve assez une bonne synthèse sur les questions. Et puis, pour parler d'autres... d'autres milieux universitaires que le milieu anglo-saxon. Les Allemands, au centre d'histoire du temps présent de Potsdam, ont mis en place ce site qui s'appelle Visual History, qui recense toutes les annonces concernant l'histoire visuelle. Alors là, c'est plus orienté à l'histoire visuelle, mais on retrouve aussi de l'histoire matérielle, et qui a une vue assez large, principalement sur le domaine allemand et germanophone. Vous voyez des choses sur la Suisse germanophone aussi, mais on trouve des annonces de tous les pays et dans toutes les langues. Donc voilà, aussi c'est un moyen d'être au courant de ce qui se fait sur ces sujets. L'angle qu'on a choisi d'adopter pour aujourd'hui, pour ne pas rester dans des généralités sur l'histoire visuelle et l'histoire matérielle, c'est justement la question du rapport entre les deux. Est-ce que les deux termes sont synonymes, sont même interchangeables, histoire visuelle, histoire matérielle? On a un peu tous les cas de figure. Parfois, on trouve seulement les historiens ne parlent que d'histoire visuelle, ou alors ils ne parlent que d'histoire matérielle. Parfois, on a les deux, comme dans le livre de Jordanova. Mais c'est une question qui m'a toujours un peu travaillé, c'est beaucoup dire, mais en tout cas que je me suis posé, qui est-ce qu'il y a une différence dans les méthodes et dans les questionnements entre ceux qui se présentent comme faisant de l'histoire visuelle et ceux qui se présentent comme faisant de l'histoire matérielle. Si on part d'une définition très simple pour essayer de donner une première frontière entre les deux, en se référant à une histoire des sens, on peut dire que l'objet, c'est ce que l'on tient, c'est ce que l'on peut toucher, ce que l'on peut utiliser. L'histoire des usages est très importante dans l'histoire des objets. Alors que l'image, c'est ce que l'on voit, c'est ce qui se tient devant nous et ce que l'on regarde. Ce qui pose là aussi la question de comment est-ce qu'on peut connaître les façons de regarder à différentes époques. À partir de là, de cette différence... assez vite, on voit que les choses peuvent passer d'une catégorie à une autre, du non-objet au non-image. Bien sûr, tous les objets peuvent devenir des images s'ils sont présentés et si ce que l'on attend d'eux est surtout d'être vu, en fait. On a plein de cas de figure. Je vous en montre juste quelques exemples. Les assiettes, qui sont quand même... un des objets images assez fréquents, et puis on se pose souvent ces questions d'assiettes qui ne sont pas faites pour qu'on mange dedans, hein, mais qui sont faites pour être vues, pour servir comme image. Et puis il y a toute l'histoire de la présentation des objets dans les vitrines ou dans des expositions diverses et variées. Comme ici on voit des produits qui sont exposés à Berlin en 1910. Donc évidemment, tout objet peut devenir image. Inversement, toute image est aussi un objet, puisque toute image a une matérialité, toute image peut être tenue, elle a un poids, elle a une matérialité. Ce qu'on voit bien dans, c'est beaucoup d'exemples, mais on peut parler des cartes de visite de Disdery, où j'aime bien cette série photographique de Liefried Lander sur le poste de télévision dans les années 1960, où le photographe s'est vraiment intéressé à quel point le poste de télévision est un objet, c'est-à-dire que l'image télévisuelle est un objet parmi d'autres que vous voyez ici sur une photo. Donc, dans un premier temps, on peut penser que la différence est assez négligeable. On voit apparaître des différences quand on regarde la généalogie académique, universitaire de chacune de ces appellations, histoire visuelle, histoire matérielle. Chacune ne dialogue pas avec les mêmes partenaires, ne s'est pas constituée exactement autour des mêmes terrains. Donc voilà, juste pour terminer cette introduction, j'aimerais donner quelques éléments sur ce qui me semble être plus particulier à l'histoire matérielle et ce qui me semble être plus particulier à l'histoire visuelle. Du côté de l'histoire matérielle, les terrains qui ont nourri ces réflexions sur l'histoire matérielle, qui ont fait que c'est devenu une partie de l'histoire aujourd'hui, sont les terrains de l'histoire du quotidien, de l'histoire des techniques et de l'histoire des circulations, qui sont trois domaines de recherche où l'usage des objets a été assez fréquent. L'histoire du quotidien, on comprend bien, cette histoire du quotidien qui peut être difficile à écrire avec des sources écrites, qui ne documentent pas forcément qu'est-ce qui se passe au quotidien, on en a évidemment des sources écrites, mais l'objet peut permettre de comprendre, de faire voir d'autres dimensions de cette histoire du quotidien, de l'incarner un peu plus. Je vous montre par exemple un panier qui est en Californie, qui date de 1822, et qui a été fait par une indienne de la population Chumash, à l'époque donc, où la Californie était espagnole. Et c'est un panier qui est assez souvent cité dans cette histoire matérielle, puisqu'il permet à la fois de voir l'activité artisanale de ces Indiens. Et puis c'est un panier qui est très intéressant, puisqu'il y a de l'écriture dessus, et il y a différents signes qui montrent la perception, ou en tout cas l'assimilation de codes espagnols dans cette Californie du début du siècle. L'histoire des techniques a évidemment beaucoup sollicité les objets. L'objet dont il est question, c'est plutôt la machine, sachant que machine peut s'appliquer à beaucoup d'objets différents. Mais évidemment, on rentre beaucoup plus dans la réalité de la technique quand on a l'objet devant soi, quand l'historien peut comprendre comment l'objet marche pour faire l'histoire des techniques. Et puis l'histoire des circulations, en suivant les objets, en constatant dans quels différents espaces l'objet a circulé, on voit globalement l'histoire des circulations. Là, je pense que les modernistes ont beaucoup travaillé là-dessus, peut-être plus que les contemporanistes, mais on a d'autres exemples. L'exemple que j'ai mis ici, c'est un tambour à fente du Soudan qui a été pris par les Anglais en 1898 lors des guerres autour du Soudan, et qui est au British Museum aujourd'hui. Et c'est un objet qui est actuellement à l'exposition qui est à Valenciennes sur l'histoire du monde à travers 100 objets, qui est une exposition vraiment intéressante, et on voit cette circulation des objets. Donc là, c'est pareil, comme je le disais, en suivant un objet, on voit l'histoire des circulations. Donc différents domaines qui marquent l'histoire matérielle, et qui, à mon avis, lui donne quand même une spécificité par rapport à l'histoire visuelle. Et sa spécificité vient aussi de son dialogue avec d'autres disciplines, à commencer par l'ethnographie et l'archéologie, qui travaillent avec cette question de culture matérielle depuis très très longtemps, voire c'est même constitutif de l'ethnographie et de l'archéologie, de réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait de ces objets, de ces bouts d'objets, que l'on trouve. Et même ça n'est pas très très clair dans mon esprit quand même quelle est la généalogie entre toute la pratique ethnographique et archéologique et puis l'histoire matérielle telle qu'elle existe aujourd'hui. Je pense que là il y aurait des articulations à comprendre entre ce qui est passé et ce qui n'est pas passé. Pour donner juste deux exemples de ces pratiques ethnographiques et archéologiques pour le monde contemporain, on peut citer en France la revue d'archéologie moderne et d'archéologie générale, Ramage, qui a publié dans les années 80-90 plusieurs numéros. Alors, je ne sais pas où ils en sont maintenant, si ça existe toujours, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment l'archéologie appliquée au monde contemporain. Et on voit ici les termes de culture matérielle s'inviter dans le débat. Et pour donner un exemple en dehors de la France, en Pologne, il y a cet institut d'histoire de culture matérielle à Varsovie, qui a fait énormément de travaux et qui regroupe des archéologues et des ethnographes, et qui est intéressant aussi parce que ce sont des gens qui travaillent à la fois sur les périodes les plus reculées, surtout le Moyen-Âge pour la Pologne, l'époque moderne, mais aussi sur le 19e, et il y a une continuité dans les pratiques archéologiques et dans les considérations sur qu'est-ce que c'est qu'une culture matérielle du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Et donc là, ce que vous voyez ici, c'est un des numéros d'une des synthèses qu'ils ont publiées, donc de cet Institut d'histoire de la culture matérielle à Varsovie. Donc voilà, il me semble que l'histoire matérielle, pour terminer sur ce pan, se nourrit surtout du dialogue avec ses travaux. L'histoire visuelle, se nourrit surtout du dialogue avec l'histoire de l'art. L'histoire de l'art elle-même est très diverse, mais elle travaille quand même essentiellement avec des images, et des images au sens très traditionnel de ce qui est encadré. Et ce dialogue avec l'histoire de l'art, qui peut être un dialogue de sourds, hein, souvent entre l'histoire visuelle et l'histoire de l'art, amène quand même l'histoire visuelle à être plus attentive à certains points, notamment tout ce qui est de l'ordre de la description de l'image, donc tout le processus de qu'est-ce que ça veut dire d'écrire une image, qu'est-ce que l'on décrit dans une image, qu'est-ce qu'on parvient à identifier dans une image, qu'est-ce qu'on ne parvient pas à identifier dans une image, qu'est-ce qu'on comprend et qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans une image, ce qui est quand même un peu le cœur de l'histoire de l'art. Est-ce que l'histoire de l'art sait faire la plus-value qu'elle apporte? Il y a une réflexion, même si on penche vers l'histoire de l'art plus philosophique, sur qu'est-ce qu'une image même, quelle est la nature de l'image. L'image qui est à la fois l'objet matériel et quelque chose qui renvoie plus à l'imaginaire, au symbolique, donc quelque chose de beaucoup plus immatériel, de beaucoup plus inconsistant et beaucoup moins facilement saisissable dans tous les sens du terme. Mais il me semble que la compréhension de l'image est toujours un peu entre le très matériel et quelque chose de beaucoup moins matériel, de l'ordre de l'imaginaire, du symbolique. Donc voilà, il me semble que là, ça forge aussi, ça participe à d'autres dialogues et donc d'autres façons de penser. On ne va pas se lancer aujourd'hui dans une théorie de l'objet et de l'image, mais je pense que c'est intéressant de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre et avec qui est-ce qu'on dialogue, tout simplement pour savoir qu'est-ce que l'on attend de ces sources quand on va les solliciter, quand on va chercher des objets, des images, qu'est-ce qu'on attend de ces sources non écrites. C'est peut-être la définition la plus simple de ces objets et de ces images, c'est que ce sont des sources non écrites. Donc pour réfléchir à ces points, nous avons trois intervenants, que je remercie à nouveau et que je vais présenter brièvement. On va commencer avec l'intervention d'Annelies Albert, qui travaillait à Paris 7, sur un domaine qui a été un des domaines phares pour la réflexion sur les objets et les images, qui était la consommation, qui est de terrain qui permet très bien de saisir tout ça, plus les aspects économiques, de valeur, qui sont aussi très, très importants. Ensuite, nous passerons la parole à Manuel Charpie, donc vous travaillez à Lille 3, sur les questions de culture matérielle et d'identité bourgeoise. C'est vrai que je vous vois tout le monde quand je présente. Donc, culture matérielle et identité bourgeoise à Paris au XIXe siècle, et avec une une attention sur la photographie que tu vas présenter ici, je pense, et puis d'autres objets de recherche, comme les vêtements plus récents. Et enfin, nous terminerons avec Gabor Wittenschworn. Vous travaillez au CERSEC, à l'EHESS. Vous avez travaillé sur plein de sujets concernant l'URSS et aussi d'autres pays d'Europe de l'Est, sur des sujets comme la jeunesse, le monde rural, les questions d'autorité, de contrôle, de population. Mais vous avez aussi toute une partie sur le folklore, sur les objets, sur les peintures. Et donc là, vous nous présenterez quelque chose sur le samovar, donc le samovar comme objet et comme objet représenté dans les peintures. Voilà.